Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Antoine Blondin le disait lui-même alors qu'il approchait la cinquantaine, « Je suis resté mince, mon œuvre aussi ». Il est vrai que déjà avant sa disparition, la célébrité d'Antoine Blondin devait moins à ses romans qu'à la version Verneuil-Odiard de son Singe en hiver, à ses articles sur le sport et le Tour de France en particulier, à ses bons mots et à son légendaire penchant pour la dive bouteille. Au point qu'on en oublierait presque qu'il fut un véritable écrivain. Ceux qui aimaient et qui aiment encore Blondin se réjouiront sans doute en l'entendant en 1971 invité sur France Culture répondre aux mots que lui soumettait tout à trac Pierre Lhoste. Parmi les noms communs ou propres pour certains auxquels Blondin était invité à réagir, voisinaient bizarrement paradis, hippie, écriture, bougnat, imprimerie, radis noir, drogue, flic, tauromachie, superstition, gloire, sexe, Quai Voltaire, lycée Louis le Grand, rugby, philosophie, hasard, quartier latin, mort et Dieu. Mais aussi Raymond Poulidor, Alexandre Dumas et Colette. De quoi faire une chanson fourre-tout ou peut-être même un roman à thèse. Mais plutôt, en l'occurrence, de quoi raconter en fragments éparpillés un peu de l'existence d'Antoine Blondin, né à Paris en 1922 et mort dans cette même ville en 1991. Les mots-clés, Antoine Blondin, une émission diffusée la première fois le 15 février 1971 sur France Culture. Notre dernière émission des mots-clés était consacrée au président Edgar Faure. Celle-ci, c'est à Antoine Blondin qu'elle est consacrée. Antoine Blondin est né à Paris le 11 avril 1922. Du côté paternel, il descend de bergers transhumants qui conduisaient les troupeaux de moutons d'autrui du Bourbonnais jusqu'au Cantal. Son père était correcteur d'imprimerie. Il fit les deux guerres, celles de 14 et de 39. Il ne se remit jamais tout à fait, dit Antoine Blondin, du sentiment qu'il ressentait de n'avoir la paix que quand il était en guerre. Il résolut cette contradiction en se suicidant. La mort de mon père constitue l'événement le plus important de ma vie avec la naissance de mes filles et la rencontre d'une femme. Du côté maternel, Antoine Blondin descend de régents de la Banque de France qui donnèrent à l'État tantôt un premier ministre, tantôt un président de la République et qui était propriétaire du château de Vizille. Son père fut le premier bachelier dans l'histoire de son village et dut à Colette l'occasion de rencontrer celle qui devint sa femme et la mère d'Antoine. Je rappelle à nos auditeurs que je vais proposer en vrac à Antoine Blondin un certain nombre de mots soigneusement choisis qui me paraissent être pour lui des mots clés. Antoine Blondin, vous êtes prêt? Je commence. Chauffeur de taxi. Ah ben les chauffeurs de taxi jouent un rôle considérable dans ma carrière. Je n'en ai jamais agressé un seul, je vous signale, ce qui se fait beaucoup en ce moment à ce qu'il paraît. Mais il y en a quand même deux dans la vie qui m'ont conduit au poste de police pour grivellerie. Je raconte l'un de ces épisodes dans le livre que je viens d'écrire, mais il y en avait eu un second. Alors pour qu'il n'y ait pas de redite, j'ai coupé le second. Et en revanche, je compte mes meilleurs amis, parmi les chauffeurs de taxi aussi. Vous voyez donc qu'on ne s'en veut pas du tout. Il y en a un en particulier qui me tient assez profondément à cœur, qui est mon ami Emanueli, qui est un superbe Corse, qui est un chauffeur de taxi qui a encore plus de fantaisie que son client. C'est comme ça que nous nous sommes découverts en même temps que une amitié de quartier cimentée très profondément nos rapports. Et je l'ai aperçu l'autre jour, et il a purement et simplement laissé son taxi en station, d'ailleurs de façon très correcte, c'est-à-dire qu'il a perdu délibérément une journée de travail en un temps où elles sont rares et difficiles pour les chauffeurs de taxi, et nous avons bavardé toute la journée en évoquant l'ancien temps, et cette fois-là, Monsieur Jadis, du nom de mon livre, du titre de mon livre, eh bien c'était encore beaucoup plus lui que moi. Et à un moment donné, il m'a fait une surprise assez considérable. Il s'est absenté 5 minutes et son taxi est un taxi radio. Et il est allé appeler Nanette, je ne sais pas trop combien. Enfin, c'est une espèce de code qui sert à l'intérieur de la compagnie. Et un quart d'heure plus tard, arrivait un second taxi. Et de ce taxi descendait le chauffeur, qui était une dame d'une 60aine d'années, très belle, avec un accent qui était peut-être un accent russe, mais ce serait trop beau. Enfin, un accent qui n'était en tout cas pas l'accent corse de Hyacinthe, et cette dame s'est mise à me réciter, presque d'un bout à l'autre, un livre que j'ai écrit il y a plus de 15 ans. Et depuis très très longtemps, elle bassinait, comme on dit, mon ami Hyacinthe, pour me connaître et avoir le privilège de me transporter. Or, c'est moi qui étais effectivement transporté, mais par le commerce de cette dame. Et nous avons passé la soirée ensemble avec donc mes deux taxis, mais qui ce coup-là ne bougeaient pas du tout, donc je ne risquais pas de ne pas pouvoir payer. Le paradis. Ah mon Dieu, je n'ai pas sur le paradis. J'ai des visées pour l'instant, mais je n'ai pas beaucoup de notions. Les hippies. Ah ben les hippies, ici j'habite absolument dans un quartier bourré de hippies, et je dois dire qu'au début, j'étais pas très familiarisé, qu'il me faisait un peu peur. Et puis, il me tapait très abondamment, ce qui fait que dès que vous faisiez 300 mètres dans la rue, vous aviez déjà dépensé 600 francs. Et bien là, encore mieux prendre un taxi, parce que le compteur monte extrêmement vite. Il ne vous demande pas plus. Un jour, je n'avais pas la pièce de 100 francs qu'il me demandait. Je lui ai dit, ben voilà, 500 francs, gardez tout. Je suis sûr qu'il n'aura pas de money. Il m'a dit, non. Et bien alors, ça va passer, parce que moi, je ne demande aux gens que 100 francs. Seulement quand ils sont 100 à vous demander 100 francs, vous avez dépensé 10 000 francs au bout de 800 mètres. Alors, ça devient impossible de marcher à pied dans ce quartier. Il faut prendre des moyens de locomotion ou alors s'habiller comme eux. Mais alors, je ne sais pas si j'ai passé l'âge, mais peut-être que je n'ai pas encore l'âge, parce qu'ils ont aussi un côté petit vieillard qui est assez réussi, il faut bien le dire. Le chien. Ah, le chien, pour moi, c'est une révélation. C'est une découverte très récente. Et j'en ai un admirable qui a vraiment changé ma vie. Il a changé ma vie dans la mesure où il a contribué à ce que j'adopte presque totalement un rythme de vie à la campagne, tellement je le vois heureux et tellement je suis triste de le voir neurasthénique à Paris, où d'ailleurs il met le moins possible les pattes. Et j'ai un chien qui est un chien de berger, un tout petit chien de berger des Pyrénées, qui a une histoire, enfin du moins pour moi une histoire qui me tient extrêmement à cœur, c'est qu'il m'a été... Il nous a été offert à ma femme et à moi par Jean Pratt, qui fut un très grand joueur de rugby et qui est resté très longtemps directeur de l'équipe de France de rugby. Et un jour, nous parlions un peu de la mélancolie que nous avions de ne pas avoir d'enfant, du bonheur que nous pourrions. Nous dire que ceci ne remplace pas exactement cela, ce qui n'est pas tout à fait prouvé, parce qu'à force, je deviens vraiment un gâteau de chien. Et il a dit, moi, je vous aurai un très joli petit compagnon, c'est le mot qu'il a employé, dès que j'en aurai repéré un. Et alors il est parti, c'est un grand chasseur d'Isard, il monte au-dessus de Lourdes, qui était son équipe et qui est son port d'attache. Et dans la montagne, il y a une vallée qui s'appelle la vallée de Toy. Et dans cette vallée, il y a une race de tout petits bergers, et tout le monde s'appelle Toy. J'ai un chien qui s'appelle Toy, mais les paysans s'appellent des Toy, les chiens s'appellent des Toy. C'est à la fois un nom générique et un prénom qui nous est extrêmement cher. Comment écrivez-vous Toy ? Eh bien, j'en sais rien, parce que ça se prononce en... C'est peut-être un nom de patois. Nous essayons de ne pas l'écrire comme T-O-Y, qui ne fasse pas joujou en anglais, car tu sais qu'il n'a pas l'air d'un joujou anglais, si vous pouviez le voir. Il a l'air plutôt d'un petit sauvage qu'on ne laisserait pas traîner dans une nursery un seul instant. Quoi qu'il soit très gentil avec les enfants. Mais enfin, je crois que, mettons T-O-I, tréma. Et vraiment, ce chien a changé ma vie par sa gentillesse, par son affection. Et alors, nous l'avons eu quand il avait un mois. Il a commencé par vivre un an à Paris et il s'en accommodait extrêmement bien. Et puis il a débarqué dans cette campagne, donc il a véritablement, si vous voulez, découvert la campagne à travers le Limousin avec nous il y a un an. Et en même temps, je ne sais quel atavisme, c'est bien, pour vous dire que ce n'est pas un chien de nursery ou un chien de salon, s'est mis à faire son métier ancestral, son métier traditionnel. Il est parti dans les champs et il s'est mis à rassembler les troupeaux. Alors qu'on ne lui demandait strictement rien, et surtout pas les propriétaires des troupeaux, car il bloquait tous les moutons dans un coin. Les vaches commençaient à jeûner et à manquer de fourrage parce qu'elles n'osaient plus bouger une fois qu'elles avaient brouté leur lopin de terre. Alors on s'est arrangé avec les indigènes, et maintenant c'est eux parfois qui viennent le chercher en lui disant « viens nous aider à garder les moutons ». Alors il est fou de joie de travailler. Dans la famille, c'est un des rares qui soit très heureux de travailler. Raymond Poulidor. Ah, Raymond Poulidor, c'est mon voisin, car maintenant nous habitons à 12 kilomètres l'un de l'autre. Je dois avouer que dans la grande querelle qui a opposé, enfin c'est un bien grand mot, mais enfin, qui s'est élevé, qui a été suscité entre Poulidor et Anquetil, j'étais délibérément anquetilien. Et que, à l'époque, mon ambition a été plutôt de finir mes jours en Normandie à côté d'Anquetil. Et je me retrouve dans le Limousin à côté de Poulidor, je ne m'en trouve pas plus mal du tout. Et j'ai eu quand même l'occasion, sur l'ensemble de toute une carrière, car je l'ai connu grand comme ça, si j'ose dire, car j'ai assisté à ses débuts, à son épanouissement, et maintenant, faut-il bien le dire, à son crépuscule. Et j'ai eu le loisir de l'apprécier beaucoup. Effectivement, il est moins blagueur qu'Anquetil, qui est par ailleurs extrêmement sérieux dans énormément de choses. Nous n'avons pas exactement le même rythme de vie, le même style de vie, Poulidor et moi. Si j'ose dire, enfin, on ne se voit pas tous les jours, mais on s'entend très bien. Et même sur la route, on s'entend très bien. J'espère n'avoir quand même pas encore assisté à ces dernières courses cyclistes. L'écriture. L'écriture, c'est peut-être la chose que je respecte le plus au monde. Non pas qu'elle me donne un mal de chien, c'est par là que j'écris très peu. J'écris très peu parce que je suis vraiment paralysé par le respect. Il m'est arrivé, évidemment, ayant à écrire, par exemple, un article dans le feu d'une arrivée d'étape, d'être très énervé, d'avoir peur et d'avoir cette espèce de trac paralysant. Mais à côté de cela, il m'est arrivé exactement de la même façon, ayant à écrire un texte qui ne présentait aucun caractère d'urgence, donc ce n'était pas l'urgence de temps qui me pressait, de m'être trouvé devant la page blanche dans la nécessité de me lever et, j'ose le dire, d'aller soulager des nausées qui me prenaient tellement j'avais peur de salir cette page blanche. Mais je crois que c'est pathologique. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai demandé à des amis à qui il arrive d'écrire s'ils présentaient le même phénomène. Ils m'ont répondu que non. Le Bougnat. Le Bougnat joue un rôle assez important dans ma vie parce que le Bougnat a été une de mes façons de concilier le déracinement auvergnat dans lequel je me trouvais. Enfin, j'appelle déracinement auvergnat parce que j'avais des ancêtres bergers. Et en fait, moi, je suis né à Paris. J'ai vécu vraiment 45 ans de ma vie à Paris. Et le Bougnat, c'était peut-être une espèce de retour à la terre, enfin, au. Et ce que je voyais dans le charbon, moi, c'était surtout des morceaux de ma terre, un peu natale, si vous voulez, un peu ancestrale. Je voyais aussi de la suze, je voyais aussi du vin blanc, je voyais aussi énormément de choses, et je voyais aussi beaucoup d'amis chez le Bougnat. Car j'ai des amis qui aiment les Bougnats. C'est ça, j'en ai encore. Ils disparaissent, d'ailleurs. Et en fait, c'est comme toutes les espèces en voie de disparition. Il faut les respecter, les sauver, les préserver et en jouir encore le plus possible. L'imprimerie. Eh bien, l'imprimerie joue un rôle considérable dans ma vie pour de multiples raisons. La première et la plus importante, peut-être, c'est que mon père a été correcteur d'imprimerie et qu'étant petit, m'est arrivé deux ou trois fois d'aller l'y chercher. Donc j'étais très impressionné par ces grandes machines. L'imprimerie, ensuite, m'a impressionné par son odeur et son climat que j'ai connu quand j'étais journaliste. Il y a très peu de journalistes qui n'aient quand même pas fait un moment du temps un peu de marbre. Et m'est arrivé d'écrire sur le marbre, sinon dans le marbre. Dans le marbre, ce sera pour plus tard. Ou sous réserve, laisse ça à Valérie. Et puis, je me suis quand même aperçu que c'est ce qui servait à faire les livres. Et qu'il y a là une espèce de débauche et de mise en œuvre. Une débauche, pas dans le sens exagéré du terme, dans le sens excessif, une espèce d'ampleur, dans le chantier, dans les travaux, qui fait finalement de l'écrivain le participant d'une grande aventure qui par moment le dépasse un petit peu. Et il m'est arrivé en deux occasions d'écrire là aussi la fin de mes livres sur le marbre. Et c'était passionnant, c'était très exaltant. Il y avait la gentillesse et la complicité de tous ces corps de métier qui sont mis en œuvre. Il y a les matériaux, il y a les immenses rames de papier, blanc hélas, une fois de plus, mais que l'on noircit relativement vite maintenant. J'ai vu se transformer les machines, les rythmes, et j'avoue que ça m'a passionné. Et j'habite maintenant au-dessus d'une imprimerie, ici à Paris, dans une petite rue. Je ne sais pas ce qu'imprime cette imprimerie, elle est un peu balzacienne. Balzac a été imprimeur, comme vous savez, et qui a un petit côté anarchiste, même si ça n'imprime que des prospectus de pharmacie ou de la réclame de, je sais pas quoi, de tisane des chartreux ou des... Le radis noir. Ah, le radis noir. La dernière fois que j'ai mangé du radis noir, mais j'ai en ce moment quelques difficultés avec mes dents qui, hélas, me coupent de cette racine extraordinaire qu'est le radis noir. Mais le radis noir, j'ai adoré ça. C'est ma mère qui me l'a fait connaître, et la dernière fois que j'en ai mangé, c'est avec Vidali. Eh bien, dois-je le dire, c'est avec Vidali sur le guéridon d'un antiquaire que nous avions pris pour un bistrot. Et qui a été assez stupéfait, je dois avouer, parce que nous avions repéré dans la matinée un petit café qui nous semblait très tranquille sur le boulevard Saint-Germain et très élégant. Il y avait un guéridon en devanture, il n'y avait pas de terrasse. Les sièges avaient l'air d'être confortables comme tout. Alors, nous sommes allés acheter du radis noir. Nous sommes rentrés, nous sommes assis, on a déballé notre radis noir, le soc au sel que l'on avait acheté aussi, et on a demandé du vin blanc et vous laisserez la bouteille. Et on a vu sortir de l'arrière-boutique un monsieur, avec une blouse blanche d'ailleurs, qui avait l'air d'être en train de faire sa mise en place, qui a dit qu'il ne vendait pas de vin blanc du tout. Alors on a dit, bon, alors donnez-nous de la bière. Il dit, mais je ne vends pas de bière non plus. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et il nous dit, je suis antiquaire. Et déjà, des gens s'attroupaient sur le boulevard Saint-Germain pour regarder ces deux individus qui déballaient, car il y avait aussi du fromage de tête avec leur radis noir. Tout ça sur un guéridon en coromandel, très chouette, et dans des fauteuils profonds, avec les journaux autour de nous. Enfin, on s'était installés. Et on se disait, comme quoi on ne connaît pas encore tous les bons petits bistrots de Paris. Et bien effectivement, ça n'en était pas un. Alors nous avons emmené notre antiquaire dans un vrai bistrot, et il a pris très bien la chose. C'est une des joies, malgré tout, de ce que j'appellerais le quartier, notre quartier qui est quand même le quartier un peu de Saint-Germain-des-Prés. Les flics. Ben les flics, vous savez, j'en ai parlé beaucoup, enfin dans ce livre-là. J'ai eu des rapports avec eux 17 fois. Pas toujours très bon, jamais extrêmement mauvais. La preuve, c'est que je suis encore là, que je n'ai jamais fait de prison, j'ai fait du poste de police, et que même une fois, je suis tombé, j'ose l'avouer, sur un remarquable commissaire de police qui m'a choyé et dorloté dans son commissariat et avec qui il m'est arrivé de retourner quand il avait dépouillé absolument tout son attirail de flic, quelques verres assez sérieux. Je ne le nommerai pas, je ne le situerai pas, mais je dire que j'ai même vu ses agents l'aider à traverser pour revenir dans son propre poste de police. C'est vous dire si c'est un homme très très bien. Et alors il avait une chose exquise. Il préparait, il était presque à la retraite, et peut-être est-il à la retraite maintenant, et il préparait un certificat de licence de français afin d'avoir sa licence et de prendre sa retraite avec un échelon supérieur. Et alors il avait été naturellement au cours de ses longues études, il avait fini par être rejoint par son fils. Et alors, quand il quittait son poste de police, il dit « Excusez-moi, il faut que j'aille faire ma version latine, parce que mon fils va me donner un coup de main, et autrement, si je rentre trop tard, il ne sera pas là, je vais être obligé de me plonger dans les dictionnaires, ça fera double emploi, Et je voyais ce papa et ce garçon, donc ce flic et cet étudiant, en somme, qui faisaient la même version latine le soir, et ça me semble, avec le recul du temps, quelque chose d'assez joli, et qu'on n'est peut-être pas prêt de revoir de sitôt, d'après ce que je lis dans les journaux. La drogue. Ah, j'ignore totalement ce que c'est. La contestation. Ben, la contestation, je vais vous avouer une chose, c'est que, donc, écrivant un roman récemment, je m'étais muni d'un dictionnaire. Eh bien, ce dictionnaire, un jour, je me suis dit, je vais chercher comme ça, alors que ça n'avait strictement rien à voir avec ce que j'étais en train d'écrire. Je suis allé chercher deux définitions, c'est contestation et aliénation, car je dois avouer que je n'en connaissais pas extrêmement bien le sens. Moi, j'ai l'impression que j'ai peut-être fait de la contestation dans ma vie, mais absolument comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire la contestation sans le constater, sans la constatation de la contestation, qui me semble une chose assez étrange, parce que quand quelque chose vous ennuie ou quand on est contre, eh bien, on le dit, c'est tout à fait honnête. Mais érigé en système, j'avoue que je ne la vois pas extrêmement bien. J'ai une assez belle histoire de dictionnaire, est-ce que je puis vous la dire, puisqu'on était un peu à la rubrique dictionnaire. Ma femme, là-bas dans le Limousin, alors qu'il s'agissait à la fois de se meubler et l'esprit et le mobilier, le matériau, enfin, meubler le mobilier, c'est un peu bizarre, m'a acheté à Limoges un meuble auquel je tenais particulièrement et que j'avais perdu dans le naufrage de l'appartement du Quai Voltaire où j'habitais autrefois, et qui était le dictionnaire Larousse du 19e siècle en 18 volumes, qui est vraiment d'une lecture passionnante, qui fait un très joli meuble quand il est en bon état. Et elle l'a trouvé, et je vous prie de m'excuser de citer des chiffres, pour 40 000 francs. Et à ce moment-là, j'ai voulu en faire part au doyen de notre hameau, le Pépé Gilles, qui a 81 ans, qui est un homme absolument exquis et qui est ma conscience conseil dans le Limousin. Je lui ai dit, je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement beau qui va vous plaire. Voilà, c'est le dictionnaire Larousse. Regardez, des millions de mots. Il y en a qui sont plusieurs fois cités, mais des millions de mots pour en expliquer des centaines de milliers. Est-ce que c'est pas passionnant? Alors il s'est plongé là-dedans avec un respect immense. Et puis il m'a dit, mais combien Françoise a-t-elle payé ça sans indiscrétion? Je lui ai dit 40 000 francs. Et il a dit, très bon Dieu, tout le savoir humain pour le prix d'un veau. La gastronomie. Capital. Capital. La gastronomie. Dans cet appartement du Quai Voltaire, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, nous vivions en phalanstère. C'est-à-dire qu'il y avait mes parents, mon parrain, ma marraine et un ami. Et mon parrain était membre du club des Pur Sang, qui est un club de gastronomes. Et petit à petit, pour ennoblir la fonction, nous avions fait vraiment une manie, presque au même titre que la littérature. Et je dois avouer qu'elle a été un de nos beaux soucis, même si c'est un souci qui peut avoir l'air assez frivole, mais je vous promets que ça met du lien entre les êtres, que la complicité qui peut se nouer autour d'une sauce ou d'un projet de paupiette ou d'une nostalgie de ragoût de mouton. Le théâtre. Eh bien, le théâtre, j'ai un souvenir de théâtre. En fait, je l'ai pratiqué très peu. Je veux dire, je l'ai pratiqué très peu comme spectateur, parce que le théâtre, c'est un rendez-vous, et que vous avez parfois pu constater, je suis un peu en retard à mes rendez-vous. Si on arrive après les trois coups, c'est mal vu, on dérange tout le monde, c'est un petit peu embêtant, et entre la maison et le théâtre, il y a quand même énormément d'autres occasions de s'amuser, et on est à peu près sûr de voir du beau spectacle. Malgré tout, il m'est arrivé une fois d'écrire une pièce de théâtre. Écrire une pièce de théâtre qui nous avait d'ailleurs été demandé en collaboration avec mon ami Paul Guimard, par Madame Volterra, qui dirigeait alors le théâtre Marigny. Et on a dit, mais vous savez que cette espèce de projet que vous nous demandez, nous, on ne l'entend pas en dehors de 5 actes. 5 actes, parfait. Mais vous savez que ces 5 actes, ça va vous faire 5 décors différents. Ça ne fait rien. Et vous savez qu'il risque d'y avoir 17 personnages. Eh, mettez-en 18 si vous voulez. Le résultat, c'est que le théâtre Marigny a été fermé pour 5 ans à la suite de cette pièce de théâtre, qui s'appelait Un garçon d'honneur, 5 actes admirables, enfin, qui ont fait 30 représentations qui ont entraîné une faillite assez monumentale et retentissante, mais enfin, qui ont peut-être finalement fait du bien au théâtre Marigny, puisqu'il est reparti d'un nouveau pied après ça, après 5 ans de silence. La tauromachie, ça a été une de mes passions. Et j'avoue que ça a cessé complètement de l'être. La dernière corrida à laquelle j'ai assisté, ça doit être en 62, à Toulouse, et elle ne m'a pas semblé très très bonne. Et puis alors j'étais entouré de connaisseurs, de vrais connaisseurs, parce qu'en fait, bien que j'en ai vu beaucoup, j'y connais rien du tout. Il y a très peu de gens qui s'y connaissent. Mais alors j'ai eu l'occasion malgré tout de rencontrer des connaisseurs qui m'ont dit que ça valait plus rien, que ça n'était plus ce que c'était. Alors j'ai un peu cessé d'y aller. De même que j'ai un peu cessé d'aller en Espagne. Vous savez, tout ça, ce sont des axes de bonheur qui changent, qui se modifient beaucoup. Et alors, je ne trouvais plus tellement, si vous voulez, sur le trajet de la corrida. Alors j'en ai fait un peu avec des taxis. Alexandre Dumas, c'est notre montagne, c'est une montagne où l'on est quelques-uns à se retrouver, mais où finalement on est beaucoup à se retrouver. C'est naturellement les Trois Mousquetaires, c'est la Dame de Montsoreau qui est de la lignée des Trois Mousquetaires, et puis c'est le personnage, et c'est même presque toute la famille Dumas, le papa général et L'Erasius Coclès du Tyrol est un personnage tout à fait remarquable aussi. Et le gastronome aussi est un très grand personnage. Et puis le mot historique chez Dumas, enfin le dialogue, c'est un dialoguiste prodigieux, hein, indépendamment de la péripétie de Capet-d'Épée. Et puis il y a peut-être une vision de l'histoire qui me satisfait assez, qui est probablement baroque et fausse, mais enfin... Il faut modifier un peu la réalité, même celle qui ne vous appartient pas, comme c'est le cas pour l'histoire. La superstition. Mais je ne suis pas très superstitieux. Ça, j'avoue que voilà une question que je ne me pose pas. J'ai peut-être des petites manies. Mais enfin, si vous voulez, la superstition, ce serait quoi? Ce serait une maniaquerie métaphysique. Et bien, moi, je vais jusqu'à la maniaquerie, mais peut-être pas jusqu'à la métaphysique. Enfin, je ne l'érige pas en système absolu et je crois qu'il ne s'y attache pas des valeurs. Enfin, c'est plutôt des tics chez moi. Certains gestes, certains... mais pas qui portent malheur. C'est plutôt une sorte de fidélité à moi-même. Si vous voulez, un ensemble de petits rites. Si vous me demandez de citer lesquels, je serais très embarrassé, mais je suis certain que j'en ai. Par exemple, de savoir si on doit prendre sa douche avant de se raser. Ou se raser avant de prendre sa douche. Cela dit, je ne crois pas qu'une journée sera très mauvaise parce qu'on inversera l'ordre des facteurs. Ça dépendra de la température de l'eau, de l'humeur et de l'état de la barbe. Mais enfin, la journée ne va pas être placée sous des signes catastrophiques. La gloire. Laquelle? Celle des autres. La mienne ne m'intéresse pas du tout. Et pour cause. Ceux qui s'attachent beaucoup à la gloire, ceux qui la rencontrent, m'enchante. Ceux qui la recherchent me font rigoler. Pour rien vous cacher. Arsène Lupin. Arsène Lupin n'est pas loin d'Alexandre Dumas dans le grand magasin des... Enfin non, vous me direz, d'un côté vous avez un personnage et de l'autre côté vous avez un auteur. Enfin si vous voulez, Arsène Lupin serait le 5e mousquetaire, que ça ne me gênerait pas du tout. Alors. La peinture. Eh bien, la peinture, j'y connais rien. J'y connais rien, j'ai des grandes histoires de peinture dans ma vie, parce que j'ai vécu aussi dans le voisinage d'un des plus grands collectionneurs privés de tous les temps, qui s'appelait Georges Van Beuningen, qui était mon oncle, qui C'était un Hollandais, qui est un personnage d'un calibre assez extraordinaire, puisqu'il a contribué vraiment à l'épanouissement de la ville de Rotterdam, qui est une des plus grandes villes européennes maintenant. Et cet homme avait une passion pour la peinture, ce qui fait que, presque à mon corps défendant, un mois et demi par an, j'ai vécu parmi de très réels chefs-d'œuvre, mais dans leur familiarité la plus immédiate, c'est-à-dire pas dans un musée. La peinture était devenue un objet presque usuel. Dans les Water, il y avait des Van Gogh. Si vous voulez. On l'appelait les Van Gogh des Gogh, on l'appelait ça comme ça, nous, les enfants. Et c'était comme ça partout, dans l'escalier où vous butiez un Vermeer. Certains même étaient faux, il paraît. Mon oncle en est mort. De dépit, s'est trompé dans son extraordinaire jugement dans ce domaine. Mais à part ça, eh bien vraiment, il faut que j'aie des amis peintres pour me pencher sur la peinture. Cela dit, comme beaucoup de gars qui écrivent, j'ai quand même accumulé un certain nombre de préfaces à des expositions. Mais tout le monde a fait ça au moins une fois dans sa vie. Moi, j'ai dû faire 4 ou 5 fois, 5 ou 6 fois, parce que on trouve beaucoup de peintres chez les Bougnats, dans les bistrots et dans le quartier en général. La politique. La politique, eh bien, en fait, je n'en fais plus beaucoup. Enfin, je me suis trouvé avoir une teinte politique, je dirais presque un petit peu à mon corps défendant, enfin, mettons que je sois pour le plus faible. La politique a commencé à m'intéresser après la Libération, quand j'ai vu que vraiment toute une partie du pays allait être un peu, comment dirais-je, handicapée et squeezée. À partir du moment, c'est à l'époque où on prive énormément de gens de leurs droits civiques. Ça m'a semblé bizarre, je me suis dit, tiens, le plus faible est là, je vais peut-être leur donner un petit coup de brin de plume. Et puis après ça, ces petits faibles, mon Dieu, s'en sont assez bien sortis, sont devenus gaullistes. J'ai fait même de la propagande pour François Mitterrand récemment. J'ai même eu ce titre extraordinaire un jour, et dans un journal aussi sérieux que Le Monde. Alors ça, j'avoue, ça m'a stupéfait, je me suis demandé ce que j'avais quand même bien pu boire ce soir-là. J'ai vu Antoine Blondin pousse François Mitterrand à la présidence de la République. Or, je ne vois pas pousser qui que ce soit, mais... Et surtout quelqu'un du calibre de François Mitterrand, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais à la présidence de la République, vous vous rendez compte? Alors c'est comme si je vous disais que je participe à l'élection du pape. C'est pas possible. Alors ça, je regarde ça un petit peu de mon balcon, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup moins que le Tour de France. Le sexe. Ah ben le sexe, il en faut. Mais c'est une affaire tellement secrète et privée que... Ça me fait assez rire quand j'aperçois ça sur les murs. Et cependant, je fais partie d'une académie de l'érotisme. Une académie de l'érotisme qui a siégé une fois à la Closerie des Lilas et qui n'est pas quelque chose de très virulent, attendu qu'après moi, le Benjamin a 72 ans, je crois. Mais enfin, ça fait d'excellents vieillards. Et Suzanne y aurait sa place parmi nous. Elle n'a qu'à venir, elle sera bienvenue. Voltaire, c'est absolument non seulement ma maison de famille, mais c'est une sorte de mythe. Il y a des gens qui disent, en parlant des affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Il y a des gens qui disent Downing Street pour parler du gouvernement anglais. Moi, je dis le Quai Voltaire, c'est toute ma vie, c'est toute mon existence, c'est tout mon bonheur. Louis le Grand. Louis le Grand, j'étais le plus vieil élève de Louis le Grand. À un moment donné, il y avait un petit garçon de dortoir, un peu arriéré et simple d'esprit, qui faisait nos lits, nos polochons. Et un jour, on l'appelait Nanette. Et je suis allé le voir. J'ai dit, dis donc, on est les deux plus vieux dans l'établissement. Parce que moi, j'ai fait ma 4e. On commençait en 4e. Alors on ne pouvait pas rentrer avant. 4e, 3e, 3e, 2e, 1ère, Hippocagne et Cagne. Et on a crevé sous nous des surveillants généraux, des proviseurs, des censeurs, etc. Puis je dis, mais il ne reste plus que nous. À force de redoubler. Je dis, mais toi, tu redoubles. Il dit, moi, je continue. Ben, je dis, je continuerai le plus longtemps possible. Et puis, j'ai quand même fini par en sortir. Colette. Colette avait été très, très gentille pour ma mère. Elle avait fait travailler dans son journal, dans la rubrique qu'elle avait à cette époque-là. C'était un journal qui s'appelait Le Matin. Elle était mariée avec Henri de Jouvenel. Et Henri de Jouvenel était un cousin de ma mère. Et ma mère avait besoin de travailler parce qu'elle avait été brûlée vive. Et qu'à ce moment-là, il fallait un peu l'occuper. Colette, donc, a fait travailler ma mère au matin. Puis je suis né sur ces entrefaites. Et c'était un peu ma marraine, mais pas officiellement, parce qu'on ne peut pas avoir une marraine aussi considérable. Marraine, c'est quelqu'un de très constant, de très présent. Ce qui fait que j'en ai eu une autre qui était parfaite. Et celle-là avait des qualités littéraires, entre autres. Le rugby. Ah, ça, c'est tout ce que j'aime. Le rugby, c'est une fête. Le rugby. Oh mon Dieu. Ce qui est très grave, c'est que je ne l'ai pas pratiqué. Et ça me manque énormément. Je ne l'ai pas pratiqué parce que j'ai fait beaucoup de sport. Mais à Paris, ça se faisait pas beaucoup, ou à Senlis, enfin, on connaissait pas bien. Et quand j'ai découvert à la fois le rugby, les joueurs, le milieu du rugby, les fêtes que ça entraîne, alors là, j'ai été absolument conquis. Très, très, très heureux. Par le rugby. La philosophie. La philosophie, eh bien, j'étais un peu professeur de philosophie pendant un moment donné. Et c'était très drôle parce que à cette époque-là, j'avais l'air très jeune. Et la philosophie, c'est ce qu'on appelle maintenant quand même une classe terminale. Et j'avais des élèves qui, heureusement, ne contestaient pas trop à cette époque-là. Parce qu'ils étaient plus vieux que moi, mais c'était sous l'occupation. Alors je les tenais avec des biscuits vitaminés. Alors la philosophie, c'est ça. Ma philosophie, c'est le biscuit vitaminé. Et Bergson, que j'aimais beaucoup. Le hasard. Je sais pas ce que c'est. La femme. C'est assez important. Mais c'est pas tout dans la vie. Contrairement à ce qu'elle croit maintenant, elle des étages généraux. Le quartier latin. Déteste. La poésie. La poésie, c'est ma mère. Ah, c'est exactement ma mère. Ma mère était la poésie incarnée. Et elle était la poésie à tel point que, un jour, sous l'occupation, elle se fait coincer après l'heure du couvre-feu. Sur le pont de la Concorde, elle rentrait au Quai Voltaire, dans la maison, et elle se fait coincer par des agents français, des flics français, qui lui disent « Madame, qu'est-ce que vous faites là, à cette heure-là » Elle disait « Je fais de la poésie. » Poésie, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez pas ce que c'est que la poésie ? Leur dit cette femme. Les agents disent « Non. » Écoutez, vous êtes bien allé en classe quand même. Il y a bien un poème qui vous est resté en tête. Vous avez eu un peu d'instruction avec le bel uniforme que vous avez. Et à ce moment-là, il y en a un qui dit « Oui, oui, moi je me rappelle. Effectivement. » Il y en a dit « Vous voyez bien que vous êtes poète vous aussi. » Et à partir de ce moment-là, ma mère a eu l'idée d'une émission qui s'appelait « La poésie est au coin de la rue » et où elle allait chercher des gens. Alors c'était extravagant parce que quand elle avait 80 ans, c'était très bizarre. Elle a accosté les gens dans la rue en disant « Monsieur, vous n'avez pas une petite poésie à me réciter ?» Et un jour, elle pique un poète. Alors elle leur donnait 500 balles et leur payait à boire par le marché. Et alors elle voit un monsieur, elle lui dit « Monsieur, alors vous, J'ai venu immédiatement à mon émission parce que je vois, je sens que vous êtes poète. Il dit non, je peux pas, je veux pas aller à cette émission, je veux rien dire, je veux pas savoir ce que c'est. Ma mère insiste beaucoup, elle dit buvez au moins un Ricard avec moi. Elle se dit celui-là, je l'ai quand même harponné un petit peu et je suis certain que c'est en fait. Et c'était Jules Supervielle qui était une des... Enfin, ma mère était une fan, comme on dit maintenant, de Supervielle, mais elle ne l'avait pas reconnue tellement physiquement, mais elle avait senti la longueur d'onde poétique. Naturellement, il n'est jamais venu à cette émission, mais la poésie, c'est ça. Enfin, entre autres. L'essentiel. Ah, l'essentiel. Ben, vous savez, nous avons dans le sport une formule qui est due au baron de Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques modernes, comme vous savez, qui a dit l'essentiel est de participer. Bon, le terme de participation, là, n'a pas du tout celui qu'il a maintenant dans les usines. Mais je crois qu'effectivement, quand même, l'essentiel est de participer, c'est-à-dire l'essentiel est de continuer à s'intéresser aux choses. Je crois que l'essentiel a fait un petit peu défaut maintenant, dans la mesure où moins de choses m'intéressent qu'autrefois, et que je suis un petit peu gagné par ce sentiment qui habitait un personnage de La Loi de Roger Vaillant, dont vous avez le souvenir certainement. Ce personnage se désintéressait, le désintéressement, alors entendu là, encore comme une chose extra-matérielle, c'est-à-dire se détourner un petit peu des choses. Alors la participation, c'est le contraire, et l'essentiel serait quand même de conserver le plus longtemps possible ce goût de la participation. Et je l'ai trouvé chez ma mère très longtemps, qui a 79 ans, l'année de sa mort, alors qu'elle ne le savait pas et nous ne le savions pas non plus. Elle était donc habitée vraisemblablement par une maladie depuis très très longtemps, partait dans des voyages organisés, faisait le tour d'Israël, allait au Caire, traversait le canal de Suez à la nage, ou à peu de choses près. Elle participait. C'était bien la seule, d'ailleurs. La mort. Ah, c'est curieux que vous me posez cette question-là, parce que j'étais persuadé n'avoir absolument pas peur de ma mort. Non, la mort, je trouve ça affreux, abominable. Mais jusqu'ici, il s'est agi de la mort des autres, que je trouve abominable. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est affolant. La mort ne te fait pas peur, tu n'as pas peur de la mort. Et l'autre jour, j'ai eu une petite angoisse, et je me suis dit, tiens, peut-être que la peur de la mort me vient. Est-ce que ça n'est pas la mort qui me vient en même temps que la peur de la mort? Alors j'ai eu encore beaucoup plus peur. Et je me suis dit, il faudrait peut-être regarder un peu ces choses-là en face, à la fois du point de vue de la médecine et à la fois du point de vue de la religion. Mais il est possible que ces idées me passent et que je retourne quand même une certaine insouciance. Mais je parle pour ce qui me concerne. Autrement, la mort, j'en ai tellement pris de la mort depuis 10 ans que... Vous savez, dans la vie, enfin, bon, on va donner un pourcentage. Mettons que on aime 100 personnes, eh bien, j'ai perdu 80% des gens qui m'importait en 10 ans. Alors, la mort, je ne peux pas l'avoir en peinture, vous comprenez celle-là, pas de doute. Oui. Dernière question, Dieu. Eh bien, Dieu existe, il m'a rencontré, il m'a rencontré quand j'ai été baptisé, il m'a rencontré quand j'ai fait ma première communion. Il m'a raté quand je me suis marié, ou plutôt il ne m'a pas raté. Je me suis marié au temple, d'abord, et puis je me suis remarié, naturellement, ailleurs, à la mairie. Non, mais Dieu me préoccupe un peu. Enfin, je suis croyant, je ne suis pas pratiquant, c'est-à-dire à peu près comme 90% des gens pas très sérieux. Cela dit, c'est une bonne question, et je vais y réfléchir. C'était Antoine Blondin au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 15 février 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.